Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Toujours ce soir avec moi pour m'accompagner, comme d'habitude, Nicolas, la technique, et moi-même, Arthur, très content de vous retrouver en ce Mais mois oui. de novembre complètement froid. Eh bien, ce soir, on vous a préparé un petit jukebox de décembre, à savoir la playlist pour accompagner tous ces petits moments festifs et autres lendemains de soirée. Voilà, le but était de faire une chouette playlist, donc je vous rassure, on vous a épargné les chants de Noël classiques. Mais tout de même, on commence quand même avec Richard Cheese et sa version de Last Christmas. Stop. We were gonna do a swing and lounge version of Last Christmas by Wham, but that song sucks. Next tune. Bon, c'est une entrée en la matière, Arthur. Voilà, on vous a épargné, je vous le disais, on vous a épargné classique. C'était donc la reprise de Richard Cheese avec Last Christmas. Tout de suite, on passe sur quelque chose de beaucoup plus filmique. Voilà, c'est ce qu'on a imaginé. Cette musique, pour nous, ça pourrait être la musique d'un moment d'un film où on voit un repas en famille pour Noël. Ça se passe bien, il y a aussi des moments un peu bizarres. Et voilà, on voit des belles images qui passent. C'est Portico Quartet et Pompidou. Pompidou, Portico Quartet, pour ce Memento spécial décembre, avec tous les moments chouettes que ça représente. Exactement, c'est un peu l'idée, c'est pas de tomber dans le cliché, tu l'as déjà dit Arthur, l'idée c'est vraiment d'essayer d'illustrer des petits moments, que ce soit des moments bah, de fête, hein, les Noëls entre amis, les Noëls en famille, on l'a dit, Nouvel An, ça viendra, des petits week-ends aussi post-fête où on essaiera un petit peu de se détendre après toute l'agitation des fêtes, et ça va aussi bien sûr les fêtes par la préparation, certains y vont de bon cœur, certains suivent un petit peu le mouvement sans trop savoir ce qu'ils font. On fait des cadeaux parce qu'il faut ouvrir des cadeaux, on participe un peu à cette folie de Noël et de toutes les fêtes sans trop savoir vraiment pourquoi. Et c'est un petit peu la justification que j'ai trouvée au prochain titre, Obladi Oblada des Beatles, vu que l'histoire de cette chanson, l'histoire qui est retranscrite dans les paroles de la chanson, en tout cas c'est un peu l'histoire de vie d'une personne qui rencontre sa future femme, et c'est un petit peu la petite routine d'une vie qui s'installe. Ils se rencontrent, et puis bah, ils se marient, et puis ils s'achètent une belle petite maison avec un beau petit chien. Ils ont des petits enfants, etc. etc. La vie qui s'enchaîne comme ça, de façon un petit peu normale, on va dire. En tout cas, normale avec des grands guillemets, ça dépend un petit peu de la vision de chacun. Et c'est une version d'Obladi Oblada un petit peu particulière. On n'a pas sorti la vraie version. D'ailleurs, Arthur, tu m'as dit que la version originale, c'est pas une version que tu n'aimais bien, pas une chanson préférée des Beatles. Je trouve ça relativement supportable, très, très jouasse comme ça, alors que quelque part, les Beatles sont capables de faire des choses beaucoup plus sérieuses et émouvantes. Voilà. En gros, c'était une chanson, je pense, de Paul McCartney. Et il avait envie, il était parti en voyage où il avait rencontré des gens qui l'ont un petit peu initié à la musique ska. Okay. Et du coup, ça se ressent un petit peu dans la musique originale, le rythme très saccadé, un petit peu ska de la chanson. Et là, la version particulière, elle est issue du coffret qui a été réédité il y a vraiment pas si longtemps que ça, du White Album, puisque le White Album des Beatles a fêté ses 50 ans cette année. Il est sorti en 68, on est en 2018. Ça fait 50 ans. Et il y a encore des gens vivants qui ont fait cet album, c'est ça ? C'est quand même assez fou. Exactement. Pas tous, d'accord, mais il y en a encore. Et la particularité de ce coffret, c'est qu'ils ont sorti plein de trucs du tiroir. Ils ont soufflé un gros coup de dépoussiérage sur tout ce qu'ils avaient. Ils ont pris les pistes de l'époque et ils les ont mixées. C'est même pas du remixage, c'est vraiment du mixage. Ils ont pris les pistes brutes. Ils sont partis de zéro, quoi. Et un ingénieur du son de 2018 a fait le mix comme si c'était des pistes qu'il venait de recevoir d'un groupe qui venait d'enregistrer. Une petite revisite assez sympa sur certains titres. Il y a aussi des titres issus des démos préparatives, un petit peu de l'album, les petits trucs, les petites maquettes qu'ils ont envoyées à la maison de disques avant de se lancer dans l'enregistrement. Et puis, il y a des trucs super chouettes. C'est des prises qui n'ont pas été gardées pour l'album final. Ce sera le cas de cette version Obladi Oblada. C'est la piste, la take 3, je pense, d'Obladi Oblada. C'est tout frais. On sent qu'ils sont encore un petit peu joyeux. C'est totalement différent, beaucoup plus folk que la version ska que l'on connaît tous. Et d'ailleurs, la version finale, il y a une centaine de prises, hein, c'est ça, hein. Ils ont, je pense, enchaîné presque un mois de prises pour cette chanson, Obladi Oblada. Je pense que tout le monde pétait les plombs parce que le rythme, il reste en tête, mais tant positivement que négativement. Ouais. Hein, ça, à mon avis, ça devrait les rendre complètement dingues, cette chanson. Il y a eu plus de 100 prises, tu l'as dit. Et donc là, on sent le sourire dans la voix. On sent que c'est hyper positif, encore hyper joyeux, assez folk, je l'ai dit. Donc une belle petite revisite. Obladi Oblada des Beatles, take three. Bon. 2, 3, 4. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody. Singing with the band. Oh, bloody, oh, my darling. Bladiblada, l'album blanc. Je ne sais pas le prix de ce truc, mais voilà, si par hasard vous connaissez un grand fan des Beatles, vous avez une idée de cadeau. Voilà, c'est notre cadeau, c'est le Memento qui vous offre cette idée, c'est gratuit, c'est sur Radio Panique. Et c'est super bien, franchement c'est ouais, super top. C'est top, on les entend parler au début de la chanson, vu que c'est pris dans le studio, allez c'est parti les gars, on y va, 3, 2, 1, ouais. Et puis à la fin on entend parfois sur certains titres... dit, elle était bien celle-là, en parlant à l'ingénieur du son pour essayer de se questionner, c'est intéressant de vivre ces petits moments comme moi ça. Moi je trouve ça toujours extrêmement émouvant d'entendre ce genre de choses, comme les multipistes qui traînent sur internet, des albums de Bob Marley, de Queen aussi, vu qu'on en parle pas mal ces derniers temps. On les entend presque respirer. C'est ça, chercher multitrack Queen et vous allez voir l'album piste par piste et vous pouvez écouter des choses assez folles, assez dingues, genre la piste de la voix seule sans rien, c'est assez fou. Où on devine un peu en arrière-plan le casque qui c'est va ça. Beaucoup trop fort dans les oreilles de Freddie Mercury, où on entend les grosses guitares, les grosses batteries derrière. C'est vrai que c'est presque émouvant, tu l'as dit. Moi ça m'émeut complètement, je trouve ça passionnant. Alors après la préparation cadeau, la préparation évidemment de la nourriture, c'est quand même toujours quelque chose d'assez chouette. On vous explique pourquoi, le lien, toute la chose. Retenez juste Ottolenghi, c'est le nom d'un cuisinier, et c'est aussi le titre d'une chanson de Loyal Carner. I was sat up on the train, staring out the window at the rain. I heard this little lady must have felt the pain. Ask her mum if the blazing sun will ever shine again. I felt ashamed, feel the same, not a mother though. Nah, started to laugh, got her son involved. I mentioned the past like a running joke, and told her without all the rain there's no stunning growth. Close, to everything and nothing. Picture past the honeymoon and bluffing, where the wooden spoon is only cuffing. Short of the discussion, but the roots can't maneuver out of nothing. I've been suffering these dreamy days, remedying lust. Don't hold any memories of us, rather hold you every day until the memories are dust. Yo, we only call the train, cause you know I hate the bus. Never get enough. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. They ask about the Bible I was reading. Told them that the title was misleading. Labeled it Jerusalem, but really it's for cooking Middle East. And I could see that mine was changing with the seasons, shaded for a reason. They would start decreasing, leaving like the orange in the evening. It was creeping through the clouds, but now I'm proud to see the images releasing. I just wish the little lady could have seen them, but she was dreaming. Reckon she's standing with her mom, saying to her, look, mother, here's the sun. Rooted in the moment till the memories are done. So I sit and start to wonder on the woman she'll become. Wonder if I had a son or a daughter, ones that I brought up never strong, never telling me to run, never trying to find a son, trying to get it done. Yo, I wonder if she'd ever be as clever as her mom. One. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday. Loyal Carner, c'est ce titre Ottolenghi. Alors j'avais un gros coup de cœur sur cette chanson depuis quelques jours, depuis quelques semaines, donc j'avais un petit peu envie de la placer. Ça tombe bien parce que le lien avec la cuisine est tout trouvé, je ne l'ai pas inventé. On l'a dit, Ottolenghi, c'est le nom de famille d'un cuisinier israélo-britannique, britannico-israélien, je ne sais pas trop dans quel ordre on doit dire ce genre de choses, qui est, comme de par hasard, un ami ou une connaissance du moins de ce rappeur britannique Loyal Carner. Il a eu l'idée apparemment de cette chanson, Loyal Carner, justement en lisant un des bouquins de ce cuisinier, apparemment très intéressant. Je vous avoue que je ne connais pas ce monsieur, mais apparemment il est très renommé, donc ça doit être très renommé. Apparemment, il y a beaucoup de chroniques, pour The Guardian en Angleterre. Un type relativement intéressant, tout comme Loyal Carner, vu que sa passion pour la musique et sa passion pour la cuisine, on va dire qu'il les a un petit peu mixés ensemble, puisque il profite de ses tournées mondiales en tant que musicien, en tant que rappeur, pour visiter forcément beaucoup de pays, découvrir des cuisines de beaucoup de pays, à l'image du rappeur américain dont j'ai oublié le nom assez fort, qui fait Fuck That Delicious. Action Bronson, qui se balade à travers le monde et qui se filme en train de manger les plus grosses crasses de toute la planète. Ça, c'est quelque chose. C'est assez intéressant. En concert, après, personnellement, j'étais très déçu. Enfin, pas très déçu, c'était un sacré show, Action Bronson, mais c'était extrêmement court, dans le sens où ça a duré, je crois, 50 minutes. C'était il y a 2 ans, je crois. Et donc, c'était marrant, mais c'était vraiment très, très, très, très court. Peut-être parce qu'il est gros, il est obèse, disons les choses, et que du coup, peut-être que physiquement, c'est compliqué. Mais un petit peu frustrant personnellement, mais chouette expérience. Surtout ne montez pas sur scène, n'essayez pas ça, parce qu'il a une petite tendance à taper les gens qui montent sur scène. Si pas lui, c'est son garde de sécurité qui s'en chargera, et il n'y prendra pas la dentelle pour le faire. Pour terminer la petite parenthèse, Loyal Carner et ce titre Autolengui, on parlait de sa tournée, on parlait de son amour pour la cuisine, et totalement dans l'esprit de Noël, puisque quand il est à travers le monde, eh bien, il s'occupe aussi de la promotion de la création d'une école, pas n'importe quelle école, une école de cuisine, tiens, comme par hasard, à destination de pas n'importe quels enfants non plus, puisqu'il adresse les services de cette école à des enfants atteints de troubles du déficit de l'attention, donc une bonne action dans le domaine de la musique, dans le domaine de la cuisine. Ça semblait tout trouvé pour illustrer ces petites périodes de fin d'année. Mais non, ce que je propose, c'est qu'on reste un petit peu dans la bouffe, mais entre amis cette fois-ci, non ? Exactement, je propose qu'on écoute un petit peu le début et puis qu'on en discute. Ok, écoute, allez, on se laisse aller. On y va. Oh, your heaven to me. Yeah, she's so real, my lady. Well, the chimes of my kingdom rang, and the Lord has advised me to do my thing. Yeah, you're heaven to me, and I ain't no believer, baby. But you must have one or two things to do with a place above. I'd like to call you my one true love. Oh, your heaven. Et alors, on parlait de ce repas entre famille, entre amis, la famille, on l'a déjà fait. C'est un petit peu la famille, les amis, au final. On est bien d'accord. Mais alors justement, quand on baisse cette musique et qu'on la laisse en fond, eh bien, en discutant avec Nicolas, ici présent avec moi, on se disait, tiens, eh bien, c'est exactement le genre de choses qu'on voudrait bien en fond, dans un pré-Noël, entre amis, dans un Noël alternatif où on se fait des petites cacahuètes, c'est-à-dire des cadeaux surprises entre gens, et quelque part... c'est un peu... Pour nous, c'est vraiment la musique typique qui marche bien sur ce genre de moments où on est content de se retrouver. Il y a ce truc qui passe derrière en fond, on l'écoute pas vraiment, mais en même temps, on l'entend. Et mine de rien, ça fout le sourire à tout le monde sans qu'on s'en rende compte. Et en plus, c'est le genre de musique qui passe en fond, on la connaît, mais on ne sait jamais qui c'est. Et bien là, je peux vous le dire, c'est Theo Lawrence, Heavens. Et quelque part, Heavens, et bien c'est le paradis, les paradis pour être très précis. Et quelque part, est-ce qu'une soirée entre amis qui se passe bien, est-ce que quelque part c'est pas un peu le paradis ? Voilà, je l'assume, je le dis. Et d'ailleurs, dans cette optique, il y aura une deuxième musique qui arrive. On vous la laisse, on vous laisse tout ça kiffer. Voilà. Imaginez-vous avec vos amis. Peut-être vous êtes avec vos amis en train d'écouter ce truc, on sait jamais. Profitez-en bien, on se retrouve après. Puis amusez-vous. Yeah. me honey, the stars and all the gravy. Oh baby, I know, just let me be. That time you never wanted is now put into practice. So baby, I know, just let me dream. Look darling, that's just we heard it. This town and all the crazy. Oh baby, I know, just let me be. Look darling, I know that you're hanging around. There's confusion and darkening clouds. I was someone who would disagree. Now I'm here to ride this Lamborghini. Cat Recording Co. Portrait of Time, ça c'est le titre de cette chanson, une chanson de cette émission Memento spéciale fête de fin d'année, même si le raccourci est parfois très rapide entre les sélections musicales, quoique. Des fois c'est juste une bonne excuse pour écouter un chouette morceau. Voilà, c'est un petit peu le cas. Et là c'était cette idée de petite playlist qu'il y a toujours quelqu'un de volontaire pour la placer quand on fait un petit dîner entre amis, un petit Noël entre potes. Petite musique dont on n'est pas censé se soucier, mais au final tout le monde est un petit peu intéressé par ces petites pépites qui se balade au fil de la soirée. Et là, Arthur, dans la petite conduite que je vois de l'émission, puisque oui, ça se prépare une émission, je vois message caritatif, positif. Militant ma gueule, c'est militant écrit. Ma gueule. Oui, alors, justifie-nous ça, le militant ma gueule. Alors, moi, je vais vous parler de Handmade Moments. C'est un duo américain que j'ai découvert au Indies Keeping Secret. Je crois que je vous en parle à chaque émission. concept de Secret Live Session. On retrouve des gens quelque part, ils nous emmènent dans un endroit, on découvre un artiste qu'on connaît pas, en mode écoute très très très très très très, très active et très respectueuse. C'est extrêmement, ça fait des moments très très agréables. Bref, Handmade Moments. Deux voix, guitare, contrebasse, saxophone, mandoline, ils s'échangent les instruments, très créatif, très chouette, très belle voix, et très engagés, parce que voilà, ils sont plutôt du genre californien, à fumer de la weed et à être antimilitariste, et ils ont notamment fait une chanson, Open Up Your Heart, qui est dédiée à un ami à eux, qui était un vétéran, qui a fait l'Irak et tout ça, qui est revenu assez amoché, et plutôt mentalement que physiquement, et qui après ça s'est mis à la musique et a dit ok, voilà, il est parti jouer de la musique dans tous les États-Unis, et quand il a appris que Obama renvoyait des troupes en Irak, je pense, il s'est suicidé. Voilà, donc c'était un peu triste, et du coup ils ont transformé cette tristesse en une chanson magnifique, je trouve. L'introduction est un peu bizarre, mais une fois passé ça, c'est vraiment très chouette. Et voilà, puisque Noël, c'est les fêtes, c'est tout ça, mais c'est aussi parfois essayer de faire des chouettes choses, des petits gestes, des petits trucs. Eh bien, on peut notamment écouter une agréable musique avec Open Up Your Heart, Handmade Moments. Let in light and there's a star. You know only light can break the dark. So go and light a spark, yeah. Oh, and open up your eyes. Wake up to this propagandist lies. They don't wanna hear you question why. So go and ask them why now. Why? Well, the selling crack cocaine city streets, to the CIA, the ends that justify the means. But you know they're blinded by the sight of greed, red and green, this Christmas Eve. Open up your heart, c'est les Handmade Moments, ces petits moments faits main, au final c'est du... Littéralement. Voilà, Tout à fait. Merci Arthur. Ton micro est allumé maintenant. Mais on t'a entendu, on t'a compris de loin un petit peu. C'était l'idée, cette petite découverte, tu l'as dit, un dimanche matin du côté de Bruxelles. Dimanche après-midi. En fin d'après-midi. Alors vraiment, je sais que c'est difficile de sortir le dimanche après-midi. Mais alors vraiment, vraiment, il faut essayer. Si vous n'êtes pas loin de Bruxelles, il faut vraiment essayer. Il faut envoyer un petit mail. Allez voir Indies Keeping Secrets. Vous tapez ça sur Google. Il y a un petit truc, il y a un petit machin. Vous abonnez à la newsletter, vous ne ratez pas le truc. C'est vraiment ouf. C'est gratuit. Et c'est hyper agréable. Voilà. Alors, on reste avec toi, Arthur. On reste avec moi. Avec un autre moment, cette fois-ci. Oui, parce que bon, voilà. Décembre, c'est toujours très, très, très mouvementé, on le sait bien. Et il y a aussi ces moments où on est un peu fatigué, où ça retombe, on est un peu entre deux trucs. Voilà, il y a eu beaucoup de préparation, beaucoup de choses. Et puis, on pouf, ça, voilà. C'est un peu déprimant. Alors, pour accompagner cette déprime, pour descendre encore plus bas, je vous propose... Merci de ton coup de main. C'est cadeau, encore une fois. Je vous propose d'écouter Nelik et son 10 décembre. Ok, 10 décembre, c'est un peu avant ce qu'on dit, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Bah, on reste en décembre, on reste dans le terrain. Gros fan de la Saint-Nicolas, voilà. Que l'attente entre la Saint-Nicolas voilà. Et les fêtes de fin d'année est totalement insoutenable. Voilà, peut-être que c'est tout à fait horrible. Eh bien, pour ne pas vous consoler, mais bien ressentir ça fond et peut-être du coup vraiment faire une catharsis, vraiment le vivre à fond et pour en être tout à fait libéré après, pouvoir rattaquer le reste avec le sourire et l'énergie, n'est-ce pas? Eh bien voilà, on va écouter cette musique, on va arrêter de dire des bêtises, on se retrouve juste après pour de la musique québécoise. J'ai trop les idées sobres, j'ai peur d'être lassé avant que mes cellules sortent. J'oublie souvent le 10 décembre. Je crois que le truc que tu me dis le plus c'est bouge tes fesses pour faire tes sous. Mais je continue encore à faire des sommes en cours et faire du son. Mais j'ai pas envie de laisser filer mon cash moi. Mec, j'ai pas envie de sucer les bons contacts. J'ai pas envie de rester à ton contact, attendre de te voir content avant de raconter pourquoi je me contracte. À chaque fois que je contemple le ciel, à chaque fois que je compte un puzzle, à chaque fois que je me dis que je vais peser, pensant que je serai reconnu pour ça. Mais je suis trop gentil, je croise encore les doigts en attendant que ça se fasse tout seul. Je sais pas si j'aurai le cran d'empêcher mes larmes si je pars. Pas sûr que j'aurai le temps, tant mieux j'aimerais pas repenser à ce que j'aimais tant. Force est de constater que c'est dommage qu'on sépare. Parce que fond on s'est jamais vraiment dit je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Maman je sais que t'écoutes, je sais que tu penses, je laisse les cours. Non non, si je te dis c'est rarement que je t'aime. C'est que j'ai l'impression que je mérite pas que tu me le dises en retour, c'est tout. J'ai plus trop les idées sobres, j'ai peur d'être lassé en recomptant mes sommes. J'oublie souvent le 10 décembre. Ce son c'est pour ceux que j'aime, dont tous ceux que j'ai déçus. À cause de celui qui s'enterre au fond de mes blessures. Là j'attends juste que mon esprit sommeille en paix. Mais j'arrive pas à me dire que je suis souvent en tort. Mes ambitions s'endorment dans un standard en terre. Je veux pas rester en fond sonore, j'aurais dû faire un son semeur. Mais mon semeur s'en mêle encore, si t'es heureux c'est le minimum babe. Je suis à la traîne depuis un millénaire, je regarde mes sauces dans le millénium. Mettre la vitesse, lumière, l'humeur maussade. Tu me dis d'être plus sensible, même si on sait que je le serai jamais vraiment. Car mon côté méchant, tu l'aimes aussi. Tu l'aimes aussi, tu l'aimes aussi, tu l'aimes aussi, tu l'aimes aussi, tu l'aimes aussi, tu l'aimes aussi, tu l'aimes aussi. Je regarde mes gars prendre de l'antitussif en sachant pertinent que c'est la mort à coup sûr. L'amour meurt tout comme mes conseils, mais moi non plus j'ai pas la vie toute seule. Je me sens plus grand sur scène, mais je suis tout seul en sortant de mes concerts devant 500 personnes. Mais y'en a qu'une qui m'évite d'étouffer, qui me voit quand je suis tout faible. Je l'évoque rarement dans mes couplets car je prends pour acquis ce que je possède. T'sais, elle laisse encore son mini short chez moi au cas où elle me perde pour retrouver mon cœur comme le petit poussé. J'ai plus trop les idées sobres, je me suis lassé à t'attendre tous les soirs. J'oublie souvent le jour de ton anniversaire. Nelik, 10 décembre, pour illustrer cette petite déprime, pourquoi pas? Bon, en tout cas, dans les paroles, on l'a peut-être ressenti, pas lié au fait, mais on sent le côté un petit peu pluie sur le Vélux ou pluie qui passe sur la fenêtre en mode vie de merde. Oui, c'est dommage qu'il ne pleuve pas là tout de suite et qu'on l'entende pas sur le Vélux du studio, ça aurait été très classe. Ouais, non, là pour le moment, il caille. Bon. Le matin, ça réveille. Écoute, moi, j'aime bien de temps en temps. On en reparlera dans 2-3 semaines s'il continue à faire aussi froid. Mais au début, c'est toujours bien. Comme il fait chaud, au début, c'est cool. Après, t'en as marre parce que tu dois changer de t-shirt toutes les 10 minutes. Bref. C'était la chronique météo du Memento. Merci beaucoup. Et on reste dans la chronique rap de ce Memento spécial fête avec toi, Arthur. Petite introduction avec Sonelic. Et là, on poursuit, mais on se balade de l'autre côté de l'Atlantique. Là, petit rap aux sonorités un petit peu québécoises. Un petit accent sympa version rap. On est à mi-chemin entre le ricain et le québécois. D'ailleurs, il rappe en franglais, c'est Loud Larry Hodges avec XOXO. On entend beaucoup parler de Loud ces derniers temps, ce rappeur québécois qui fait un carton et qui fait des trucs très très bien, qui sera en Reflector le 13 décembre. Il reste des places, si vous voulez, on s'y croise, hein, au cas où il y a quelqu'un qui écoute. Avec plaisir, ce sera avec grand grand plaisir. Et avant d'avoir sa carrière solo, eh bien, il jouait pas mal avec Larry Hodges. Et ce qui est très chouette avec ces rappeurs-là, c'est que ce sont des Québécois, mais ce sont pas des Québécois anti-anglais, puisqu'ils rappent en franglais, littéralement. Ils mélangent l'anglais et le français québécois. Très très fort, c'est passionnant à écouter. Et là, du coup, eh bien, c'est le gros son pour le nouvel an, genre grosse ambiance, grosse fête. Loud Larry Hodges XOXO. When we sold smoke dans zone scolaire, sold my soul pour une écolière. So j'ai dit hustle, pas de collège, let's go. Man, I'm booked pour un show, I guess worlds collide. Tout ce que j'serai, j'l'étais déjà. And that's the best rapper alive. Baby, it's all real enough. Faut que j'pop mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, we chase the money, screaming up the lyrics. And baby, it's all real enough. Faut que j'pop mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, we chase the money, screaming up the lyrics. Baby, it's all okay, step back, faites place pour la jeunesse. Complètement perdu. Le cocktail de drogue a fait death. Une fascination pour l'excès, mais j'suis déçu des take pictures. Trop de flash, can't spit it. C'est quoi quoi those minimum painkillers. Drop top plexus. Screaming fuck all my exes, that's right. I'm about it, a minute I crack. La volonté de puissance décrit mon image. Le sérum de niche, ma blonde dépeint par deux gars. She bout it, my man m'appelle jeune homme gâtin. Revenge of the road, kill my singer. 45k for the peace. Ride around a drop top cat, bitch. And I got cocaine for the whole week, goddamn it. It's so messy, délicat, chemise Chanel. All black, chemise Chanel. Eyes on the prize for the thin white line. The vibe with the black and the incapable. She the best though. Back to la benzo, she give me neck though. Champagne diet, ça pleuve dans mon nectar. 20 ans à Montréal, aucun espoir. Merci, bonsoir, baby. Back when we sold smoke dans zone scolaire. Sold my soul pour une écolière. So j'ai dit hustle, pas de collège, let's go. Man, I'm booked. It's all real enough. Faut que j'pop mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, we chase the money, screaming up the lyrics. And baby, it's all real enough. Faut que j'pop mon titre, gotta fill my cup. Tu connais le mode de vie, we chase the money, screaming up the lyrics. And baby, it's all reigning champ. Started from the bottom, won't be the share. Now we here, I gotta take a chance. The self-made million won't make themselves. Play ball with the label, low level. Faire pas qu'y en passe, si pay, make that, let's talk money. Mais en quoi que j'ai de la stage light, ça jouait l'art de la jeunesse éternelle. Comme je suis bad, tu devrais savoir depuis le temps qu'on est là-dessus. Une couple de bad girls, les bottles, les capsules, tu me faxes dans la facture. I'm on that red shit qui se boite seul. And I ain't sharing de rien, chérie. Qu'est-ce que je viens de dire, ça se boite seul, you should know. Tout le monde avait prédit que j'allais finir mal. J'ai des excuses de mes ex-girls. C'est drôle comment c'était moi loser. Now they can't win me back. Getting X's and O's pour mes X's and hoes. Je vous donnerai des guests, les une texte, très bon nom. Let you know it ain't personal. Mais tu sais qu'on fait ça comme personne d'autre. I still give it to you. Back when we sold smoke dans zone scolaire. Sold my soul pour une écolière. So j'ai dit hustle, pas de collège, let's go. Man, I'm booked pour un show, I guess worlds collide. Tout ce que j'serai, j'l'étais déjà. And that's the best rapper alive. Baby, it's all real enough. Faut que j'pop mon that's all real. Petite parenthèse qui est rap, qui est sur le point de se fermer. Pour un instant, je pense qu'il y en a encore un petit peu après, il me semble. Ouais, un truc québécois, vaguement rap, oui. Un peu moins lourd. On y retourne après. Un peu moins lourd, mais donc là, petite remise en contexte. On était donc avec Loud, Larry Adjust, XOXO, pour illustrer ce gros moment de gros bordel de folie, de grosse motivation. On est d'accord que là, on est genre juste avant ou juste après minuit, voilà. Et là, on approche tout doucement de plutôt... 4 heures. Pour la chanson, 3 heures, là, tu m'avais dit, et ça matchait totalement, le moment où on arrive au ralenti avec des bouteilles dans la main gauche, des bouteilles dans la main droite. C'était un petit peu ce moment-là, un petit peu rappeur US, on arrive avec nos gros souliers. Quelques heures après, on est sur le point de plus trop faire les malins, mais on est encore au stade où on s'amuse même très très bien. On est juste passé à un stade de classe différent, qu'on assume ou qu'on assume peut-être moins le lendemain. Il y a toujours un moment où la playlist dérive, on se retrouve sur des chansons style... karaoké que tout le monde reprend en cœur. Et c'est un petit peu ce que la prochaine chanson illustre. Tu l'as dit, vers 4h30 du matin. C'est le moment où on oublie un peu sa fierté. Mais quelque part, si on oublie sa fierté sur ce qu'on va vous passer juste là, moi je trouve qu'il en reste un petit peu. Je suis tout à fait d'accord. Vous allez reconnaître le titre original qui est repris ici dans une langue différente. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais je suis sûr que ça va vous revenir quand on va la passer. Disegnato sulla spiaggia il suo dolce viso che mi sorrideva, poi ha piovuto su quella spiaggia in questo temporale, lei è scomparsa. Son seduto a fianco alla sua anima, ma la bellissima era fuggita, poi l'ho cercata. Et j'ai crié. Oh. Ouais. Romano Nervoso, Maria, cover de Aline, en italien. Et quelque part, on se disait hors antenne que quelque part, cette petite version en italien, ça pourrait être juste quelqu'un de très bourré qui parle mal français. Et ça a tout son charme. Et en plus, c'est belge. Et du coup, ça, c'est quand même vachement chouette. Qui fait mine de connaître les paroles, mais en fait, qui ne les connaît pas du tout et qui bredouille un truc. On sait pas trop. Bref, Romano Nervoso, tu l'as dit, un groupe belge, un groupe de la région du centre, pour ceux qui connaissent, aux alentours de la Louvière, tout ça. On est dans le Hainaut. Apparemment, et je dis bien apparemment parce que je n'ai eu que des échos positifs de leur concert, mais je n'y ai moi-même jamais été encore. Je l'ai vu au BIF pour présenter un film, je crois. Je crois qu'il est. Je sais même pas s'il était dedans, je sais pas ce qu'il foutait là. Mais rien que ça, il avait mis une chouette ambiance. Donc je crois qu'en live, ça doit être absolument funky. Je pense aussi, et vu les petits choix de reprise qu'ils font, ça peut être assez drôle, assez décalé. Et dans le clip, on voit un petit peu son attitude qui est assez décalée aussi. Bref, ça peut être que du bon. On revient dans notre petite histoire, on est dans les fêtes de Noël, là on est en plein nouvel an, on est 4h30 du matin, on vient de faire cette petite soirée karaoké. Le bar, malheureusement, il ferme tout doucement. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre totalement dans le mal chez soi, on s'endort les quelques heures qu'il faut, et puis les petits rayons du soleil du matin viennent nous réveiller. Et là, on peut dire que c'est un peu le gros mal. C'est quelque part comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le moment juste avant d'aller se coucher, genre le petit matin, on rentre un peu cramé, c'est déjà le 1er janvier, ou est-ce que c'est le réveil? On ne sait pas trop. On est dans le flou. Quoi qu'il arrive, on est dans le flou. Et voilà, les louanges, Tarcel. Le reste vient tout seul. C'est pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive pas, fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre, celle 96. Popper les chaînes des trottoirs, caler les bières cheap step. Se retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. C'est pas la fin du monde, mais ça, même si on y arrive pas, fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre sur 96. On joue à même les seuls. Dos au mur, la poussière veut toute seule, ouais. Feedback colossus. Vague de chaleur trempée dans nos chandails. Tympan percé par les cymbales. Ramé jusqu'à l'autre bord du fleuve, retour au bercail. Passé au travers du cachet, tout mis ça dans le taxi, puis la boréale. J'ai vomi sur le tapis, j'sais pas trop où on s'en va, j'm'en fais pas trop de toute façon. C'est pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive. Fin de la semaine, on ira faire un tour de char dans ta terre, c'est le 96. Popper les chaînes des trottoirs, caler les bières chips et dip. S'en retrouver au terrain de baseball, claquer tout ce qui nous reste. Big thing, ouais, mais next week. La tuque ben vissée, watch moi j'arrive. Miss la dernière L de casualty, typique Levy. 2h du matin, encore stock, chantier baby sweet trees. Ils sont full of these, mais certainement pas appelés. Comme un long dimanche, ceux qui vivent leur vie. Moi j'aimerais qu'elle commence, j'ai des télévisions. Tu choisis où tu traces ton silver lining. Silver. C'est pas la fin du monde, mais sans, même si on y arrive pas, fin de la semaine. On ira faire un tour de char dans ta terre, c'est le 96. Popper les chaînes de trottoir, caler les bières cheap, snip. J'étais pas du tout prêt, je n'étais pas prêt du tout. Bah écoute. Nicolas qui coupe la musique, il dit c'est à toi. Et on n'en avait pas du tout discuté. C'est pas bien de faire ça, Nicolas. Bref, les louanges, Tarcel. Voilà, le moment flou autour du 1er janvier. Mais tout à fait agréable, tout à fait dissonant. Un peu comme ce qui se passe dans le cerveau. Un 1er janvier. Un 1er janvier où certains peuvent avoir leur petit rituel de couple, par exemple comme aller manger des frites, ce n'est pas du tout autobiographique. Et voilà, et du coup, Noël aussi, ça peut être Noël en amoureux. Aussi, ou même un peu se retrouver après la folie des fêtes. On a passé beaucoup de moments avec beaucoup de gens, avec belle-maman, avec beau-papa, avec toute la famille, les oncles, les tontons qu'on voit qu'une fois par an. C'est sympa au début, et puis quand ça s'enchaîne un petit peu trop souvent, ça peut être un petit peu épuisant. préparation peut-être, il faut s'en remettre aussi. Et donc c'est peut-être le moment aussi de s'évader, de prendre un petit peu de recul pour soi, pour son couple, si on en a un, avec ses amis, avec son chien, avec son chat, avec son petit oiseau, peu importe au final. Avec c'est son pas castor. Du tout. Bref, on fait ce qu'on veut, mais c'est peut-être aussi le moment de prendre un petit peu de recul. Et là, on va passer, on change de style une nouvelle fois. Tiens, c'est un peu l'habitude et la petite signature de nos émissions, avec un artiste français qui chante en français, Ben Mazué, et qui est une chanson un petit peu une ode à l'amour, on a l'impression. Oui. Il l'a dédié à sa chérie s'il en a une, mais en tout cas on a l'impression que c'est vachement personnel. Très sympa, en concert aussi, un bon petit moment où il mixe humour, spectacle, théâtre, musique. Tout ça en une soirée. Ma compagne qui ne connaissait pas et qui a un petit a priori sur les chanteurs français qui chantent en français a finalement passé un bon moment. Donc moi je dis mission réussie, et là on s'écoute 10 ans de nous de Ben Mazué. Ça doit être la 700 000e fois que je te vois t'habiller, choisir cette culotte ou celle-là, que je te vois t'abîmer. On n'a pas vraiment vieilli parce qu'on se sent capable de tout encore, mais on a gagné quelques plis sur le corps. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, et même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. On se l'est tellement dit que ce serait pour longtemps, que finalement 10 piges ça paraît pas tant. C'est pas si épatant, ça rafraîchit l'odyssée, même si l'on contemple plus que l'on agit, plus que l'on réussit, on essaie, on essaie. Mais si la vie par malchance me fait louper quelques rendez-vous pour cause de mollesse, négligence de jeunesse, même si ensemble finalement on devait pas aller au bout, mais ça fait 10 ans que t'es passé devant mes yeux, 10 ans que je me dis que c'est ce qui m'est arrivé de mieux. Oh mais si à l'avenir on passe à côté, si on n'exige pas au moins aussi bien que ce qui vient de se passer, moi, j'ai encore nos débuts en mémoire, nos espoirs, et je rougis pas de ce qu'on est devenu. 2 enfants plus tard. Dix ans de nous. Est-ce que je tresse pas trop tôt de laurier? 10 ans de nous. Est-ce que je trace pas trop tôt de laurier? 10 ans de nous. À 2 doigts d'oublier qu'on s'est déjà perdu. 10 ans de nous. J'attends pas de toi tout, mais j'attends de nous ça. Mais j'attends de nous tout. 10 ans de douceur, de souffrance, de coups de peur, de tourment, de des bonheurs qui se brisent, mais qu'on s'est ranimé, ce sera ça aimer. Pour nous c'est ça. Petite touche marshmallow douceur en cette fin d'émission, Arthur. 10 ans de nous, oui, c'était un moment romantique en studio, merci beaucoup. Romantique entre amis, c'est un moment assez particulier. Bref, mais c'est une très belle chanson, il faut le reconnaître. Un chouette artiste aussi. Il fait des belles chansons comme ça, il fait des chansons un petit peu plus énergiques, il s'essaye même un petit peu au rap de temps en temps, de façon humoristique. Très sympa, Ben Mazué, là, c'était 10 ans de nous. Bah, il est temps de plus ou moins clôturer cette petite émission, un petit peu preview de période de fête. Ouais. C'est les petits premiers gels, les petites premières froidures qui nous ont donné envie de parler de ça. Voilà. Et on vous a préparé ça bien. Il est temps de se dire au revoir, malheureusement. Oui. Et alors, pour finir, quelque part, nous, On voit tout ça aussi dans le fait de, avec tout, comme on disait, tous ces mouvements, toutes ces fêtes, tous ces trucs, c'est éprouvant. Et quelque part, juste après ça, si on peut se prendre une petite semaine de vacances très très cool, très très reposant, très très chill, eh ben ça peut être vachement sympa. D'où ce dernier morceau. Moi je vois ce morceau vraiment comme ce petit moment en vacances où on se réveille un peu tôt. Et on va bouquiner, jouer à la PlayStation, regarder une bêtise, je sais pas. Et on a un peu l'impression de voler du temps au monde. Et je trouve que cette impression est tout à fait agréable. Voilà. Quelque part, on va l'appeler la chanson Nesquik. Hein. Et voilà. Et quelque part, c'est ce qui nous amène à notre conclusion. C'est qu'on vous souhaite que tout ça se passe très bien. Et de prendre du temps tout seul ou en couple, tout seul ou en famille, tout seul ou entre amis. Et que tout se passe bien. Pour vous. A priori, on se retrouvera en janvier 2019, parce que oui. Je pense qu'en décembre, ça risque d'être un peu compliqué. Je tiens à prendre sur antenne l'engagement officiel qu'on va podcaster tout ce qu'on est en train de faire là pour garder une trace de tout ça et pouvoir le partager au monde entier. On n'a plus le choix là, tu sais, ça. En le disant là, c'est voilà, fini, on va le faire. C'est acté, c'est officiel. Ça justifie d'autant plus qu'il n'y ait pas d'émission en décembre, du coup. Voilà. Parce qu'il y a du boulot. Voilà, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que on vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne soirée juste après nous, c'est Réservoir Dub, une autre ambiance, mais quelque chose de tout à fait sympa. Voilà, on va finir avec Still Woozy Cooks, passez une bonne soirée, plein de bonnes choses. Et à dans quelques semaines. Et à dans quelques semaines au final en 2019. À l'année prochaine. Oh non. Et si, et oh si, non. Et si. Oh non. Oh my lovely, baby you're all I see. Lady love you, baby it's all I do. It's cold out, it's past eight, and I just lost my keys again. I don't know how I'll make it through the year and when you're coming home. I'm stuck here but I don't feel all alone, cause I burned the dinner and we two are waiting on one more to come right through.